allons nous venger à notre tour. Nous sommes là, de retour. Nous allons nous venger à notre tour. Le bonhomme va payer. Et les knucks qui nous ont remplacés. Le bonhomme va payer. Et les knucks qui nous ont remplacés. Il ne peut pas nous remplacer par des knucks. Quoi? Non! Couronné cette année. Qui sera couronné cette année?